Ça t'entend comment y arriver, les qui battent la main dans mille épées. Je t'ai besoin comme tolé dans sa route à la société. Mon chapeau boulé dans mon coin, espérer qu'on pousse un ragas. Depuis là, mon arrivée, mon tape la main dans mon palais. Mais la mon vie. le capricieuse, mais la bonne fini dans la gamme. Ça la musique, y a pas importe moi, y a pas fait danser mon requin. Ça la musique, y a pas importe moi, y a pas ça tout plus moins gothique. Ça la musique, y a pas